Chapitre 5. Loyauté sauvage. Mademoiselle de Pelwer espérait beaucoup depuis qu'elle se voyait chez les Sioux. Elle croyait que le sachem voudrait, comme on le dit vulgairement, couper l'herbe sous le pied au directeur et traiter directement avec M. Dussonville pour s'approprier la rançon. Aussitôt que les directeurs furent partis, elle demanda au sachem à lui parler. Celui-ci la reçut aussitôt. Rayon d'or servit d'interprète. Mademoiselle de Pelwer expliqua la situation et elle engagea le sachem à envoyer un courrier à M. Dussonville avec une lettre d'elle. Le sachem refusa. « Tu ne connais donc pas les Dakotas, Sioux ?» dit-il gravement. « Nous n'avons qu'une parole. Quand nous avons fait une convention, nous la tenons, même au péril de notre vie. Jamais un Sioux n'a trahi un serment. Si je t'écoutais, je serais le premier parjure de ma race et je perdrais l'estime de la tribu dans le mépris de laquelle je tomberais. Je me contenterai donc des 200 Remington, préférant mon honneur à tout. » La jeune fille admira cette bonne foi et elle n'insista pas, sentant que c'était inutile. Elle se retira.